S-Y-K-O. Je me répète, mais écoute-moi. C'est la voix de la raison. C'est la voix de la raison. Présent sur ce son, toujours opérationnel. Je ne raconte pas de mensonges, je décris ma vie telle qu'elle est. Peu importe si ça te plaît, je raconte ma vie depuis le départ. Et si t'aimes pas, t'écoutes pas. En vrai, on m'a jamais sollicité, jamais félicité. Même à l'école, on s'en foutait. Quand je tapais 17 ans dictée, c'était rare mais important pour moi. Maintenant mon avenir scolaire est tombé à l'eau. Essaye de t'en sortir, toi avec trois rappels à la loi qui te suivent. De près ou de loin, je suis toujours en sursis. C'est pour ça que j'essaye d'arrêter mes conneries, mais pas en cours. J'ai pas le choix, j'ai besoin de bouger. Je peux pas passer 3 heures assis sur une chaise, même 45 minutes, la voix du prof est ma berceuse quand j'ai pas dormi de la nuit. Je te guide, je suis la voix de la raison, cherche pas ta tort. C'est moi qui ai raison, ma vie est foutue. Ne nique pas la tienne non plus, si j'ai un fils, je l'appelle pas Bob. Sinon je vais planer dessus, la weed j'arrêterai pas. Ne compte pas sur ça, c'est grâce à elle que j'ai de l'inspire. Mais aussi que j'ai du sursis, Younes m'a inspiré, pas pour ça. Cavale, je suis pas un gars comme ça, mais quand y'a l'équipe et je me taille. Aussi rapide qu'un animal, je détaille. Gros, je suis juste ici, j'écris dans ma grotte plein de débris. Je pose juste 2-3 rimes pour te raconter, ça écoute. C'est juste la voix de la raison, je fais pas les gros yeux comme Black M. Juste les miens de par deux et là tu te questionnes pourquoi je suis comme ça, cherche pas. Mais moi je le sais pas, odeur de pilon dans le nez, putain j'ai kiffé. Mais à donf mec, tu peux même pas te rendre compte comment c'est ouf mec. Ça m'a rendu par jour. C'est la voix de la raison, présent sur ce son, toujours opérationnel. Je me raconte pas de mensonges, je t'écris ma vie telle qu'elle est. Peu importe si ça te plaît, je raconte ma vie depuis le départ. Et si t'aimes pas, t'écoutes pas. Putain, on en a fait du chemin pour arriver jusqu'ici, bro. Certifié authentique, c'est enfin sorti. S-Y-K-O, Lyrica l'éclipse. 3 ans que je me bats, mon projet sort enfin. C'est cool, Lyrica l'éclipse. Un amour sans fin. Merci. Du fond du cœur à tous ceux qui m'écoutent, même si t'aimes pas, merci. Même si t'aimes pas, je te remercie. Si dès le début j'avais pas eu de votre soutien, je serais pas là aujourd'hui. Mon album serait jamais sorti. Je serais resté dans ma bulle. J'aurais continué mes textes, mais j'aurais rien senti. Même ceux qui disent que je m'affiche sur Facebook, sur YouTube, que je sais pas rapper, je m'en balance. Je fais ça pour kiff. Et je sais que j'ai mes refrains derrière qui kiffent. Même si toi t'aimes pas, généralise pas, y'a tous les gars. Et eux ils kiffent ça. R.A.P. applique. Et ils rap. Lyrica l'éclipse, certifié authentique. Je suis la voix de la raison. Rappa break. E-R-E-Y-P. S-E-Y-K-O. On continue comme ça les gars, on lâche rien. On lâche rien. 2008-2013.